Chapitre 19e. Deux jours après, Gabriel, au fond du parc, dans sa retraite ordinaire, rêvait aux événements des derniers mois. Sa vie avait soudain changé de face, et il était bien forcé de s'avouer que ce changement datait de l'arrivée de Julien de Présange. Jusque-là, elle avait vécu dans une sorte de crépuscule. Ses douleurs, noyées au fond du passé, ne lui avaient laissé qu'une amertume secrète, une sorte de renoncement à elle-même qui l'empêchait d'être heureuse, mais qui ne lui occasionnait pas de vives souffrances. Jusqu'au jour où elle s'était avouée que son cœur était mort, elle n'avait guère senti qu'une impression pénible de vide et de torpeur. Parfois, ses yeux s'étaient mouillés de larmes au souvenir de sa jeunesse, puis ils s'étaient séchés en pensant à l'avenir prochain où sa fille, revenue au foyer, serait sa compagne et son ennemie. Voilà qu'avec Julien de Présange, un nouvel élément était entré dans sa vie, presque de force, et tout à coup, le passé avait disparu. Une vie nouvelle, qui datait de sa première rencontre avec le jeune homme, avait commencé pour Gabriel. Quoi de plus naturel? Après de longues années de séparation, ce fils revient auprès de sa mère, et voilà que la destinée cruelle lui ravit cette mère si digne de tendresse, avant presque qu'il ait eu le temps de la bien connaître. N'était-ce pas à Gabriel de combler le vide créé par le sort injuste? N'était-ce pas, comme elle le lui avait promis, un devoir sacré de parler de la défunte au fils qu'il avait connu trop peu pour l'apprécier, mais assez pour être insatiable quand on lui parlait d'elle? Et puis, quelle étrange similitude entre leurs destinées! Élevé au fond d'un pays perdu, loin des hommes, Julien ignorait pour ainsi dire le monde et ses usages. Quoique femme et plus habituée à la société, Gabrielle n'était-elle pas aussi une sauvage dans son genre? Et ce deuil, qui les avait frappés tous les deux presque en même temps, n'était-il pas aussi un avertissement mystérieux de la Providence, qui les avait mis en face l'un de l'autre pour se consoler et pour s'aimer? S'aimer, certes, et pourquoi pas? Une sœur aînée aime bien son jeune frère, nul ne trouve à y redire. Qui donc aurait le droit de défendre à Gabriel, de donner le plus pur, le plus immatériel de son cœur à ce jeune orphelin, qui semblait l'aimer aussi d'un amour filial? Était-ce le marquis? Gabriel ne lui ôtait rien de sa tendresse conjugale, dont il avait d'ailleurs fait si peu de cas. Ses enfants, mais ses enfants, ne lui avait-on pas ravi? Que pouvait-elle mieux faire que d'aller les embrasser toutes les semaines? Et le reste du temps ne valait-il pas mieux l'employer à consoler l'âme attristée de Julien qu'à causer de bagatelles avec les dames du voisinage? Sans contredit, et à toutes ces questions, Gabriel se répondait par l'affirmative. Alors, de quel droit s'était-on mis entre ces deux âmes droites, dont les sentiments purs et sacrés pouvaient s'avouer hautement à la face de tous? Au nom de l'honneur de Morez, avait dit Robert. Gabriel inclinait la tête, reconnaissant qu'elle avait reçu en dépôt l'honneur de la maison, et que, véritablement, son devoir était de le conserver intact. Ce devoir, elle l'avait rempli en éloignant Julien, mais ce n'était pas sans regret, car seule, assise sur son banc de marbre délabré, elle pensait avec amertume que la dernière joie qui lui fut restée venait de lui être ravie, comme les autres, par la même main impitoyable. Involontairement, elle songea à Griselidis. Le vieux Fabio se présentait à sa mémoire avec une douceur mélancolique. Pauvre reine, on lui avait tout pris, ses enfants l'un après l'autre, sa couronne, ses riches habits. Elle était retournée à sa chaumière, et l'amour même de son mari menaçait de lui être enlevé quand tout à coup sa douleur se change en joie. Au milieu d'un cortège triomphal, on lui ramène ses enfants, son trône et son époux. Ce n'était qu'une épreuve. Mais quelle épreuve et quel cœur inhumain que celui qu'il avait tenté! Hélas, songea Gabriel, mes douleurs à moi ne sont pas une épreuve. J'irai à la tombe en descendant toujours le chemin que j'ai monté autrefois pendant quelques semaines. Elle se leva et s'approcha du petit bassin où s'épanchait l'urne de la nymphe solitaire. Cette statue était devenue sa confidente et presque son amie. Plus d'une fois, elle avait passé son bras autour du cou de la rêveuse de marbre, et ses pleurs avaient coulé sur la joue fruste de la naïade. Cette fois, mue par un sentiment presque nouveau, tant il avait sommeillé longtemps, Gabriel se pencha sur le bassin pour y voir son image. Elle vit s'avancer vers elle un visage aux traits réguliers, aux yeux pleins de pensée et de douceur, au grand air de noblesse, où la bonté rayonnait peut-être plus encore que la beauté, un visage que toute reine eût été fière de nommer le sien. « Est-ce bien moi ?» se demanda Gabriel. « Est-ce bien moi, qui suis si jeune encore ?» Elle se pencha plus près, et le doux visage qui s'approchait du sien lui sourit avec mélancolie. « C'est pourtant vrai, » pensa-t-elle. « Je viens d'avoir 33 ans. Je me croyais tout à fait une vieille femme. » Et elle passa mentalement en revue les femmes de son voisinage. Pas une ne pouvait lutter avec elle de grâce ou de jeunesse. Au lieu de se trouver flattée de cet examen, Gabrielle se sentit troublée. « C'est vrai, » se dit-elle, « je suis jeune encore. Il faut garder l'honneur de la maison de Morez. Pauvre monsieur de Présange. » Son esprit s'envola avec un charme indicible vers les premiers temps du deuil de Julien, alors qu'il ne reprenait un peu de gaieté et d'abandon qu'en causant avec elle. « Pauvre Julien, » soupira-t-elle, « cette fois presque tout haut, et pauvre de moi, condamné à vieillir seul. » Un léger bruit dans le feuillage l'attira de sa rêverie. Elle jeta un regard distrait sur l'hémicycle de marbre, puis ses yeux retournèrent au bassin. Son image apparaissait toujours au fond de l'eau limpide. Elle la regarda un moment, puis ses yeux se troublèrent. Elle voyait sur ce visage une expression profonde qui l'effrayait. Pour ne plus se laisser émouvoir, elle plongea sa main dans l'eau tranquille qui forma aussitôt mille rides dans tous sens. Puis elle se redressa en poussant un soupir et quitta le bord de la fontaine. Le même bruit qu'un instant d'auparavant, mais plus rapproché, lui fit lever la tête. Elle recula d'un pas, la main sur son cœur, effrayée et heureuse. Julien était devant elle. Humble, soumis, respectueux, incliné jusqu'à balayer la terre de la plume de son chapeau qu'il tenait à la main, il attendait une parole, ordre de partir ou prière de rester. Gabrielle, saisie au point de ne pouvoir parler, le regardait interdite. « Pardonnez-moi, madame, » dit-il enfin, voyant qu'elle gardait le silence. « Je ne vous ai pas désobéi, du moins ouvertement. Ma présence ici est inconnue à tous. »« D'où venez-vous ? » dit enfin la marquise. Il indiquait la muraille peu éloignée de ce refuge isolé. « Mon cheval est dans le bois voisin. Le mur est peu élevé, nul ne m'a aperçu. « Pardonnez-moi, madame, » reprit-il en pliant le genou. « Je ne puis vivre sans vous voir. » Son visage altéré, sa voix émue, le tremblement de sa main en disait plus long que ses paroles. Il attendait toujours. « Si quelqu'un vous découvrait, » dit Gabrielle, « nous serions perdus. » À ce « nous », qui la mettait de moitié dans la faute, Gabrielle rougit jusqu'à son cou blanc et délicat. Elle avait l'air si jeune en ce moment qu'un étranger ne lui eût pas donné 20 ans. Le regard enivré de Julien saisit cette rougeur fugitive. Il acheva de plier le genou. « Madame, faites de moi ce qu'il vous plaira. Je suis votre esclave, votre chien, votre chose. Je ne vis que par vous, que pour vous. Si vous me chassez, je mourrai. Car je vous aime, et sur mon honneur, je n'ai jamais aimé que vous. » D'un geste plein de terreur, et aussi de dignité féminine, Gabrielle le releva. « Taisez-vous, vous ne devez pas prononcer ces paroles, et moi, je ne dois pas les entendre. » Sans s'en apercevoir, elle avait pris place sur le banc. Sa tête était retombée sur sa poitrine, et il savourait intérieurement la douceur infinie de l'aveu. Aimée, elle, après tant d'années de claustration, après avoir imposé à son cœur un silence éternel, elle ne se demanda pas pourquoi l'amour de Julien l'inondait de joie. Elle sentit la joie pénétrer jusqu'au plus profond de son âme, et c'en était assez. Enhardi par son silence, Julien s'était assis près d'elle. Il respectait tant cette femme qu'il savait digne de tous les respects et de plus malheureuse, qu'il n'osait ni lui prendre la main, ni même lui parler. Son silence l'eût inquiété, s'il n'avait suivi sur le visage expressif de la jeune femme le flux d'une émotion douce et tendre. À un léger mouvement de Julien, Gabrielle leva les yeux. Son regard, noyé de douceur magnétique, rencontra celui du jeune homme plein de passion. Elle ne détourna pas son visage. « Vous m'aimez ?» dit-elle d'une voix contenue, où la tendresse débordait malgré elle. Julien se contenta de la regarder sans répondre. « Pour toute la vie, ce n'est pas un caprice. Vous êtes sûre de m'aimer ?»« Ah ! » s'écria-t-il avec véhémence. « Ne vous ai-je pas dit que je n'aimais personne ? Là-bas, dans ma province perdue, il n'y avait que des servantes ou des douairières. Ici, quelle femme peut vous être comparée ? « Riez de moi, si vous le voulez, mais je vous jure que jamais mes lèvres n'ont touché de lèvres, que jamais mon cœur n'avait battu, et que devant Dieu, pour la première fois de ma vie, je dis que j'aime. » Gabrielle écoutait, le regardant toujours. ce cri de la passion lui ouvrait un monde nouveau. « Alors, c'est de toute votre âme ?» dit-elle avec la même douceur. « De toute mon âme, et pour toujours. »« Je suis mariée, » continua Gabriel. « Pour l'honneur de mon nom, que je transmettrai à mes enfants, je dois rester sans tache. »« Je vous vénère, » dit Julien en baisant le bord de sa manche. « Je vous vénère. Et ça, c'est vous dire que je ne vous demande rien ?» Mais je n'ai pu vous taire que je vous aime, cela me brûlait la poitrine. S'il en est ainsi, fit Gabriel, vous aussi vous êtes digne d'estime et de tendresse. Le regard achevèrent la phrase commencée. Alors vous me permettrez de vous voir ici parfois ? Demanda Julien. Gabriel répondit non du geste, mais son sourire et sa rougeur disaient oui. Allez-vous-en, dit-elle, c'est l'heure où je rentre. Déjà ? Fit Julien désolé. Tout de suite. « Vous reviendrez ?» Gabriel fit signe que oui. « Demain ?»« Non, oh non, pas demain. Je vous en supplie. » Julien avait une manière de supplier vraiment irrésistible. Il lui fallut ne pas l'aimer pour lui tenir rigueur. Gabriel promit d'être là le lendemain à la même heure, et Julien, enivré, triomphant, la quitta sur le champ, passa par-dessus la muraille comme un oiseau et disparut dans le bois déjà à demi sombre. Resté seul, Gabriel mit la main sur son cœur. Il battait. Oh, comme il battait ce cœur qu'elle avait cru mort. Avec quelle fièvre joyeuse il attendait le lendemain. « Est-ce que ce n'est pas mal, ce que je fais ?» se demanda la marquise, avec toute la bonne foi d'une âme qui n'a jamais rusé avec elle-même. Elle avait réservé l'honneur de Morez. Ce qu'elle donnait à Julien était son cœur seulement, son cœur dont personne n'avait souci. Elle se persuada qu'elle n'était coupable en rien. C'est toujours ainsi que l'on commence. Qui donc ? Même parmi les plus perverses, oserait regarder l'abîme en face et s'y précipiter sciemment. Chapitre 20e. Comme la marquise revenait au château, elle aperçut son fils qui descendait le large escalier de marbre blanc par lequel on arrivait au parterre. La vue de son premier-né ne lui causa pas la même joie que d'ordinaire, et elle ralentit le pas. Un instinct secret lui disait que la présence de René était pour elle une protection contre les mauvaises pensées. Mais avait-elle conçu de mauvaises pensées ? Certes, non. Son cœur ne recelait rien que de pur et de chaste. Se reprochant son hésitation, elle pressa sa marche et bientôt son fils, qui accourait à sa rencontre, reçut un baiser maternel aussi tendre, aussi passionné qu'au jour de sa première enfance. « Par quel hasard, mon cher René ? » dit l'heureuse mère en admirant son fils, déjà presque aussi grand de taille que le marquis son père. « J'ai obtenu 24 heures de congé, ma mère, et je suis venu les passer auprès de vous. Ne savez-vous pas que j'aime mille fois mieux vous voir que de rendre visite à mon grand-père de Morez ou à mes tantes, qui sont toutes plus ennuyeuses les unes que les autres ?» Gabriel sourit. Les yeux du jeune homme étaient plus éloquents que son discours. L'étiquette ne permettait pas aux enfants d'exprimer leurs sentiments avec plus de vivacité. Le langage de ce temps trouvait moyen de donner une apparence superficielle aux sentiments les plus profonds et les plus naturels. René avait offert son bras à sa mère et elle marchait auprès de lui, fière d'un si beau garçon, heureuse de se sentir à ses côtés. En ce moment, Julien de présent, j'étais loin de sa pensée. « Que vous êtes belle, ma mère !» dit tout à coup René en s'arrêtant pour la contempler. « Que vous êtes belle et jeune ! Je puis à peine croire que vous êtes ma vraie mère. Dites, n'êtes-vous pas une fée ?»« Une autre que ta vraie mère t'aimerait-elle avec tant d'ardeur ?» fit Gabriel en pressant sa main sur les lèvres de son fils. « Non, certes, répondit celui-ci, mais vous êtes trop jeune. »« Je n'étais pas vieille quand je me suis mariée, » murmura la marquise avec une sorte de mélancolie. René continuait à regarder sa mère et une pensée jusqu'alors indistincte commençait à prendre forme dans son esprit. Ce jeune homme était plus sérieux que ceux de son âge. Son éducation, l'éducation sévère qu'il avait reçue auprès de son grand-père, et surtout une pente naturelle à la méditation, à l'observation de tout ce qui l'entourait, donnait à son esprit un tout réfléchi fort au-dessus de ses années. Des jours de son enfance, il lui était resté un amour passionné pour sa mère. Ses plus lointains souvenirs la lui représentaient jeune et charmante, presque enfant elle-même, jouant avec lui sur le sable brillant du parterre, toujours indulgente, toujours souriante, consolant ses premiers chagrins. Il se rappelait très nettement la scène qui avait précédé son départ de Morez. Les larmes que sa mère avait alors versées sur lui la lui avaient rendue chère à jamais. Il ne faut pas pleurer, lui avait dit Gabriel en l'embrassant au moment de le remettre à son grand-père. Il ne faut pas leur donner la satisfaction de voir qu'ils nous ont fait du chagrin. Ils, c'étaient Robert et le duc. Fais comme moi, mon René. Tu vois que j'ai beaucoup de peine et pourtant, lorsqu'ils seront là, je ne verserai pas une larme. Cette première leçon de courage moral l'avait portée de doubles fruits. D'abord, René avait appris à souffrir en silence, car malgré sa jeunesse et sa grande douleur, il étouffa stoïquement ses pleurs pour obéir à sa mère, et son petit oreiller fut le seul confident de ses peines. Puis, il avait conçu une grande admiration pour la marquise, que dans le cours de ses études il compara plus tard à une romaine, et enfin, il avait joint à cette admiration une égale aversion pour son grand-père, qu'il confondait mentalement avec l'ogre, le loup et Croque-Mitaine tout à la fois. Quand les années d'enfance firent place à l'adolescence, René apprit à mieux apprécier son grand-père, dont les qualités civiques auraient gagné à être entourées de moins de défauts, car la comparaison de la châtaigne était rigoureusement exacte, appliquée au vieux duc. Mais la tendresse et l'admiration du jeune homme appartenaient tout entière à sa mère et devaient lui rester à travers les épreuves de la vie. Pendant qu'il ramenait au château cette mère si tendrement aimée, René se demandait pourquoi il n'avait jamais vu son père. Le marquis écrivait de temps en temps quelques mots à son fils, et à l'occasion de sa première épaulette, il lui avait adressé un fort joli compliment, plus une épée magnifique enrichie de diamants et une bourse fort bien garnie. Mais ce jour-là même, Gabriel, en embrassant son fils, avait laissé tomber sur la fraîche épaulette une de ces larmes de joie que les mères seules connaissent, et son fils avait pieusement recueilli cette larme avec ses lèvres, en mémoire de toutes les autres, versée également pour lui dans le silence des nuits ou dans l'amertume des journées de solitude. Pour René, cette larme et le baiser maternel avaient rejeté bien loin la lettre et le présent de son père. « Ma mère, dit-il après un assez long silence, pourquoi mon père n'est-il pas auprès de vous ?» Gabriel jeta sur son fils un regard presque effrayé. Cette question touchait le point douloureux de sa vie. Quelle sûreté de main possèdent les enfants pour appuyer précisément à l'endroit douloureux et avec quelle innocence ils enfoncent le dard dans la plaie. La marquise ne répondant pas, René répéta sa question avec une insistance qui eût été de l'indiscrétion de la part d'un fils moins affectueux, mais depuis plusieurs années qu'il retournait cette demande dans son esprit, il n'avait pu trouver de réponse propre à le satisfaire. « Je ne sais, mon cher fils, répondit tristement Gabriel. Son devoir l'appelle ailleurs, sans doute. » René garda le silence. En ce moment, il tournait autour du parterre. Les roses embaumaient l'air. La sérénité du soir approchant avait une douceur communicative. Il semblait que sous ce ciel, au milieu de ces roses, un chagrin fût impossible. Les yeux de Robert, fixés à la vitre d'une petite chambre tout en haut du château, suivaient le fils et la mère et cherchaient à lire sur leur visage ce qu'ils pouvaient se communiquer. Car Robert se méfiait de tout le monde et de toute chose. « Ma mère, dit enfin le jeune homme, je ne sais quels sont les devoirs qui retiennent mon père loin de nous, mais j'ai pensé parfois qu'il ne devait pas nous aimer beaucoup pour nous délaisser ainsi. « On ne dit pas cela ? Ne pense pas de telles choses ? » s'écria la marquise du plus profond de son âme. « Ne dis pas que ton père ne t'aime pas. Ton père t'aime de tout son cœur, il est fier de toi. N'es-tu pas l'héritier de son nom ? Ne t'a-t-il pas désiré, attendu, salué avec ivresse ?» « Mon père m'aime ? » murmura le jeune homme ému. « J'en suis bien heureux. Moi aussi je voudrais l'aimer. Pourquoi ne se montre-t-il pas ?»« Il reviendra, n'en doute point, mon fils, » repartit la marquise, « et tu verras combien il est bon et beau et digne d'être aimé. »« Mère, » dit doucement René, « asseyons-nous ici et parlez-moi de mon père. » Ils s'assirent sur un banc de marbre rose, tout près du parterre embaumé, et là, aux dernières clartés du jour mourant, Gabriel raconta à René tout ce qu'elle savait de son père. C'était bien peu de chose, hélas. Et la pauvre femme ne se doutait pas qu'elle portait ainsi une éloquente condamnation sur l'époux infidèle. Le jeune homme écoutait en souriant, heureux de se voir révéler ainsi le père qu'il ne connaissait presque pas. Quand Gabriel s'arrêta, la nuit était tout à fait venue. « Et puis ?» demanda René. « Depuis que mon père a quitté le château, il a fait diverses campagnes, » dit la marquise avec hésitation. « Et puis, je ne sais rien de plus, » répondit l'épouse abandonnée. « Et vous avez vécu ainsi, dans la solitude, ayant pour toute joie et pour tout plaisir la société de Madame de Rogis et les visites que vous nous faisiez à Paris ?»« Sans doute, » dit humblement Gabriel, qui sentit quelque chose de semblable au remords pénétrer dans son cœur. « Ma mère, » dit René en tombant à genoux devant la marquise, « vous êtes une sainte. » Gabrielle fondit en larmes. Renonçant à l'étiquette, elle saisit son fils dans ses bras et se laissa consoler par lui. Le lendemain, Julien de Présange attendit vainement auprès de la naïade. Les oiseaux du bois furent seuls à lui tenir compagnie. Pendant que, désespéré, inquiet, après 3 heures d'attente, il remontait à cheval, Gabrielle, enfermée dans sa chambre, bénissait Dieu de lui avoir donné un tel fils et se promettait de rester digne de lui. Chapitre 21e. René était retourné à Paris. Les jours qu'il pouvait donner à sa mère lui étaient disputés par son grand-père, jaloux et quinteux, qui lui reprochait amèrement ses absences. « C'est moi qui vous ai élevé au bout du compte, » s'écria un jour le duc, plus milieux que de coutume, grâce à un accès de goutte. « C'est ma mère qui m'a mis au monde, » répliqua René sans sourciller. Cette réponse attira sur sa tête un orage formidable. Gabrielle, au récit de cette scène, conseilla à son fils de se soumettre, du moins en apparence, aux caprices du vieillard. « Conserve l'amitié de la famille de ton père, » dit-elle à René. « Moi, je t'aimerai quand même, tandis que... » Cette modération fut mal récompensée, car le duc, pour se venger de l'incartade de son petit-fils, le recommanda si chaudement à son colonel que le pauvre René ne vint pas à bout d'obtenir 3 jours de congé dans les 6 mois qui suivirent. On lui donnait bien 12 heures, mais 12 heures ne suffisaient pas pour aller à Morez et en revenir, tandis que c'était de quoi faire passer une aimable journée au vieillard revêche. Gabrielle écrivait à son fils de nombreuses lettres, pleines de bons conseils, de principes élevés, où respirait la plus grande noblesse de cœur et la générosité la plus absolue. René lisait ses lettres avec joie, les relisait avec admiration, et s'en faisait une sorte de bréviaire qu'il prenait un malin plaisir à répéter devant son grand-père. « Qui vous a donné de si belles leçons de sagesse ?» lui demanda un jour celui-ci, non sans quelque orgueil de le voir si sage. « Monsieur, c'est ma mère, » répondit le jeune homme. Son grand-père lui battit froid pendant 1 mois. Si René avait pu venir toutes les semaines, si Gabrielle avait senti autour d'elle la tendresse dévouée, l'admiration passionnée de son fils, elle n'eût vécu que pour lui. Mais on eût dit que la famille de Morez s'acharnait à lui ravir tout ce qui pouvait lui défendre contre elle-même. Dans l'isolement où la laissaient les ordres du vieux duc, Julien de Présange avait cause gagnée. Quelques jours après la visite de son fils, la marquise, déchirée par 1000 sentiments contraires, pria son jeune voisin à un dîner de cérémonie avec des hôtes nombreux. Julien vint, mais si pâle sous ses habits noirs, si profondément atteint au cœur parce qu'il nommait l'indifférence de la marquise, que celle-ci n'eut pas le courage de lui adresser des paroles banales. Au milieu d'une réunion bruyante, personne ne remarqua qu'elle ne lui parlait pas. De son côté, il n'osait ni ne pouvait rien dire, car s'il l'eût pu, il eût éclaté en reproches. Au moment du départ, il s'avança vers Gabrielle et lui baisa cérémonieusement la main pour prendre congé suivant la coutume. La marquise sentit ce baiser brûler sa main pendant toute la nuit, et le lendemain, vers 3 heures, elle se rendit à la fontaine, au bout du parc. À peine y était-elle depuis quelques instants que Julien parut. Il n'avait pas cessé de venir tous les jours depuis leur première rencontre en ce lieu. À sa vue, Gabrielle, profondément troublée, resta muette. L'altération des traits de Julien lui semblait un reproche cruel. Il s'avança vers elle sans mot dire, se mit à ses genoux, cacha son visage fatigué dans un pli de la robe noire de la jeune femme et pleura sans contrainte. La marquise était préparée à subir des reproches. Elle avait mérité un sermon. Mais que pouvait-elle contre l'expression muette d'une douleur sans borne? Vaincue elle-même, elle laissa tomber sa main sur la tête inclinée de Julien qui la regarda aussitôt. Il n'y mettait pas d'amour-propre. Il montrait sans confusion son visage défait, ses yeux cernés par l'éveil douloureuse. S'il eût été habile, il n'eût pu mieux faire, mais il n'avait d'autre habileté que sa passion, et c'était la meilleure. « Voyez ce que vos rigueurs ont fait de moi, » semblait-il dire. Ils se taisaient tous deux, cependant. Et Gabrielle sentait que si fidèle qu'elle voulût être à son devoir, son cœur volerait malgré elle vers cet homme qu'il aimait. En vain, elle avait voulu étouffer cette inclination naissante. En vain, elle avait cherché un refuge dans l'amour maternel. Gabrielle était jeune, elle était aimée, elle pouvait mourir de douleur, épuisée par le sacrifice, mais elle ne pouvait pas faire autrement que d'aimer cet homme qui l'adorait. « Que vous ai-je fait ? » murmura Julien après s'être assuré dans les regards de la marquise qu'il n'avait rien perdu de sa tendresse. « Le devoir et l'honneur, » dit celle-ci sans lui répondre directement. « Mais, » s'écria Julien en se relevant avec emportement, « vous ai-je demandé rien de contraire au devoir et à l'honneur? Croyez-vous que je ne vous vénère pas assez pour vous respecter toujours, ou bien doutez-vous de ma parole de gentilhomme ?» Il parlait si loyalement, d'un accent si fier, que Gabriel, subjugué, lui tendit la main. Il s'assit auprès d'elle, et ils firent des projets d'avenir. On se verrait souvent, en ce lieu même. Par les jours de pluie, quand le teint ne sera pas trop désagréable, une petite hutte de jardinier, déserte alors, servirait de refuge aux amis, car il n'était pas question d'amour. Gabriel ferait tous les jours de longues promenades dans le parc pour accoutumer les gens de la maison à ses absences du château et, plus tard on paierait. Une sorte de paix s'étendit sur eux lorsque cette détermination fut bien arrêtée. Les grandes décisions, même douloureuses, donnent un apaisement relatif après la lutte. Les amis purent même sourire en pensant aux chagrins passés. Julien était si confiant, Gabrielle était si sûre d'elle-même que leurs angoisses des jours précédents leur parurent inutiles et même ridicules. Quel besoin Julien avait-il eu de douter? N'était-il pas sûr d'être aimé? Et Gabrielle, pourquoi s'était-elle méfiée de son ami? N'était-ce pas un outrage à sa loyauté que de le croire capable de l'entraîner dans une faute? Quand ils se furent demandés pardon mutuellement de leurs doutes, ils se séparèrent et Gabriel rentra au château. Le soir, en la déshabillant, Toinon remarqua sur le visage de sa maîtresse une résolution et une sorte de lumière qu'elle ne lui connaissait plus depuis longtemps. Elle n'osait rien dire, cependant. C'est la marquise qui parla. « Écoute, lui dit-elle, j'aurai besoin de services dévoués. C'est à toi que je me confie. J'aime Julien de Présange. » Toinon, effrayé, regarda Gabriel pour bien s'assurer qu'elle parlait sérieusement. Un coup d'œil suffit pour l'éclairer. Alors elle se dirigea vers la porte, l'ouvrit, s'assura que nul n'écoutait au dehors, puis revint auprès de la marquise. « Ma bonne maîtresse, lui dit-elle, je ferai ce que vous me commanderez. » Gabriel fut touché de cet humble et prompt dévouement. « Mais si Robert te découvre, il est capable de te tuer. » Toinon fit un geste de dédain. « Tant pis pour lui, répondit-elle. « Je suis tout à vous, et c'est leur faute. Pourquoi vous ont-ils rendu si malheureuse ?» À partir de ce jour, Toinon, dont les actions n'avaient jamais été surveillées, se chargea de déposer et de recevoir des lettres mystérieuses placées tantôt dans un tronc d'arbre, tantôt dans une fente de mur. Pendant 2 ou 3 mois, cette correspondance alimenta la passion des deux amants et suffit à leurs exigences. Ils aimaient presque mieux s'écrire que de se voir, car leurs entrevues avaient quelque chose de poignant, qui les laissait faibles et mécontents. Pas un jour vint où les lettres furent impuissantes à calmer leurs angoisses. Gabriel eut la fièvre pendant quelques jours et ne put sortir. Julien, pendant ce temps, erra autour du château sous les déguisements les plus invraisemblables, se faisant donner des nouvelles par Toinon, à la frayeur extrême de celle-ci qu'il rencontrait partout où elle l'attendait le moins. Enfin, Gabriel, faible encore, mais guéri, put reprendre ses promenades dans le parc. Elle atteignit non sans peine la hutte du jardinier, où par les soins de Toinon un bon feu était préparé. L'automne était venu. Les feuilles jonchaient le sol, un frisson d'hiver passait dans les branches nues, et Gabrielle grelottait en s'efforçant de courir vers la cabane. Lorsqu'elle entra tremblante de froid et d'émotion, Julien ferma la porte sur elle et l'enlevant dans ses bras, il la porta près du foyer. « Ah, que j'ai souffert, » dit-il d'une voix brisée, « que j'ai souffert et que je t'ai attendu. » Gabrielle, faible et perdue, se serrait sur le cœur du jeune homme. Là, elle avait trouvé le repos et la protection. Elle ferma les yeux, et pour la première fois, il osa baiser ses lèvres glacées. Quand elle sortit de la cabane, après le départ de Julien, Gabrielle trouva Toinon qui l'attendait avec impatience. « Madame, madame, » dit-elle, « hâtez-vous de retourner au château. Mademoiselle Lucille est arrivée. »« Mademoiselle Lucille ?» fit la marquise incrédule. « Ma fille ?» « Oui, madame. »« Ah !» s'écria Gabrielle en levant les bras au ciel. « Dieu me punit, il est trop tard. » Elle tomba évanouie sur le sol. Toinon courut chercher du secours. On transporta la marquise dans sa chambre. Le médecin, appelé en hâte, déclara que la jeune femme était sortie trop tôt après sa maladie. Gabrielle le laissa dire. Elle savait bien, elle, que ce n'était pas le froid qui l'avait saisi, mais la pensée de sa faute. Lorsque Lucille s'approcha de son lit pour l'embrasser, elle se détourna avec horreur. « Moi ? » pensait-elle. « Embrasser cet enfant avec des bras souillés par des étreintes coupables, baiser son front virginal avec mes lèvres adultères. « Ma mère ne m'aime plus !» soupira la voix angélique de Lucille en pleurs auprès du lit. « Je n'ai pas le droit, se dit Gabriel, de faire souffrir cette innocente quand je suis seul coupable. » Il tendit les bras à sa fille. Dieu seul sait avec quelle humilité profonde la mère reçut le baiser de son enfant.